Les exposés et exhibitions des réalisations scientifiques et techniques du secteur de l'industrie des articles de consommation courante du pays ont eu lieu les 21 et 22 à Pyongyang, dans la fabrique des articles plastiques de première nécessité des militaires blessés d'honneur de Langlin, sous les auspices du comité central de la Fédération des scientifiques et des techniciens coréens. Y ont pris part des fonctionnaires, scientifiques, techniciens et enseignants de divers établissements, notamment l'université Kim Il-sung et la fabrique précitée. À l'exposé divisé en secteurs des articles de consommation courante, de la parfumerie et des cosmétiques, ainsi que de la peinture, une quarantaine de réalisations ont été présentées, alors que plus de 300 produits d'une trentaine d'espèces susceptibles de faire un apport à l'amélioration de la vie du peuple ont été exhibés dans le salon. À la cérémonie de clôture tenue le 22 courant, des diplômes et prix ont été remis aux meilleurs scientifiques et techniciens.